J'aime sur Galaxy. J'aime sur Galaxy. I'm gonna go get some more.

Thank you.

We'll be right back. J'aime sur Galaxy. We'll be right back.